Kevin Laramé, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale. Ce soir, émission d'après-match spéciale en français. Je suis dans le métro, je m'en venais. Et j'avais le goût de faire une émission en français. Ça me tentait aujourd'hui de parler un peu de la victoire de l'Impact 2-0. Et j'ai réussi à avoir l'audio de, je te l'avais dit après le match, parler à Blérim Dzemali, à Assun Kamara et à Mauro Biello. Donc on va entendre les commentaires d'après-match de l'entraîneur de l'Impact dans quelques instants. Mais une victoire qui était vraiment très... très, très, très, très, très, très, très, très nécessaire pour Montréal. Si on regarde les prochaines semaines qui s'en viennent, dur voyage à Houston dans les quelques prochaines heures. Déjà, les deux dernières semaines ont été extrêmement, extrêmement chargées sur le terrain, extrêmement chargées émotivement aussi. Et ça a été très difficile pour l'Impact d'avoir un 18, si pas un 11 constant durant les dernières semaines. Et présentement, quand on regarde le 11 de l'Impact, beaucoup, beaucoup de questionnement sur la constance, et c'est malheureusement aucunement dû à Mauro Biello, à l'entraîneur et à ses décisions, c'est les blessures. Les blessures, c'est carrément un fléau. Duval, Chris Duval, première demi, quand il a vraiment passé très près, on croyait que c'était sérieux, blessé au genou, on a la misère à se tenir debout, il s'est pris un bon 10-15 minutes à essayer de dégourdir ses jambes et de retrouver son rythme. Ça a été très difficile pour Chris Duval, à ce moment-là, tout le monde pense « Oh non, un autre défenseur de blessé. Un latéral arrière-gauche en plus. » C'est déjà avec les blessures d'Oyongo, avec les blessures de Daniel Lovitz, les choix sont très restreints quand on regarde les défenseurs de l'Impact. Et quand Chris Duval a tombé, il se met le genou, bon, ça y est. Un autre qui est blessé, et qu'est-ce qu'on va, on pourra pas le remplacer. Il faut vraiment aller chercher un joueur sur le marché des joueurs qui s'ouvrent dans quelques semaines. Et c'est là que, finalement, Chris Duval a pris son rythme. Mais avec les blessures des trois dernières semaines, qu'on pourrait dire, c'est l'accumulation. Et en plus, Patrice Bernier et Anthony Jackson-Hamel sont à la Gold Cup avec l'équipe canadienne. Et présentement, ils sont encore en entraînement pour la Gold Cup. Donc, ils ont manqué le match de ce soir au Stade Saputo. Donc, c'était un 11 partant un peu différent pour Mauro Biello. Et le 11, il y en avait Evan Bush dans les buts, évidemment. Assun Kamara, qui portait le brassard de capitaine ce soir. Carl Fisher, Laurent Simon et Chris Duval à gauche. Et Chris Duval a marqué ce soir le deuxième but de l'Impact, quelques minutes après le missile. Le très, très, très beau missile de Blérim Dzemali. Top 2, top 3, peut-être des plus beaux buts que j'ai vus au Stade Saputo depuis quelques années. Oui, Didier Drogba, il nous en a fait des quelques beaux. Nacho Piatti, évidemment, les enroulés de la droite au deuxième poteau. On en a vu beaucoup. Et ça a été très surprenant pour moi de voir ce soir un autre type de but de loin. L'Impact, je remercie Tristan Damour de m'avoir dit cette stat. L'Impact est l'équipe dans la Major League Soccer, dans la Ligue majeure de soccer, et l'équipe qui a le plus de tirs d'en dehors de la boîte, dans toute la ligue. Et Dzemali, c'est une de ses spécialités. Quand il a pris le ballon, puis il s'est avancé proche de la boîte, puis là, il l'a placé, il a même réussi à attendre que les deux défenseurs soient au bon angle pour que le ballon... C'est parfait. Il décoche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tirer, voyons. Et évidemment, frôle l'intérieur un petit peu du poteau, dans le filet, 1-0 Montréal. Et c'est le genre de but qui donne l'énergie aussi. C'est un but violent, c'est un but puissant. Puis ça a vraiment contribué à l'éveil du Stade Saputo. Avec les ultras et les supporters de Montréal dans 131-132, avec les sanctions, un petit peu, ça a commencé un peu ses chapeaux de roue. Bien, par exemple, avec le but, avec le missile de Dzemali, le stade s'est levé et resté debout pendant un bon bout de temps. Si c'est pas, je dirais, le reste du match. L'Impact a vraiment commencé à jouer ensuite de ce missile-là de Dzemali. Dzemali a vraiment haussé son jeu d'un cran durant ce match pour pallier à l'absence de Nacho Piatti, évidemment, qui est touché à l'aine, blessure qui l'a ennuyé un petit peu plus tôt cette saison et qui l'a aggravé en finale de la Ligue des. En finale de la championnat canadien mardi contre Toronto. À Toronto. Mais Blérim Dzemali a vraiment haussé son jeu d'un cran pour être capable de pallier à l'absence au milieu avec Patrice Bernier. C'était vraiment. Je ne veux pas dire le général, parce que c'est Laurent Simon, mais Nacho Piatti, avec sa blessure, c'est plus lui maintenant qui est le constructeur et le finisseur de jeu. Ça tombe Blair Mzimali. Il a décidé lui-même de faire les deux en même temps, de construire et de finir sur ce jeu. Mais parlant de construction, le geste qui m'a peut-être le plus impressionné encore plus que le missile de Blerim, c'est la passe de Blerim, le lob. Le lob de Blerim était extrêmement surprenant, mais intelligent, bien préparé. C'était... OK, imaginez, vous êtes un défenseur de DC United. Okay, vous venez de vous faire brûler à cause d'un méchant beau missile dans le coin gauche. Blair Mzimali a le ballon encore une fois. Ben, t'as peur. T'es un peu sur la défensive, tu te places. Tu penses pas qu'il va faire le petit lob à Chris Duval qui vient d'y faire la passe. Puis Chris Duval finit au deuxième poteau. Rien que Warrior peut faire pour sauver ça. Il s'attendait aucunement. Tout le monde de DC United était prêt à essayer de faire l'arrêt et à bloquer le potentiel tir de Mzimali qui s'est retrouvé à être un beau petit lob pour Chris Duval. C'est 2-0 Montréal. Chris Duval, son deuxième but en carrière en Major League Soccer. Son premier était pour New York il y a quelques années lorsqu'il évoluait pour les Red Bulls. On dit New York, mais on le sait tous que les Red Bulls jouent au New Jersey. C'est pas pareil. Mettons que c'est pas la même ville. C'est pas la même ville. Puis même que je dirais plus que c'est pas le même état. Mais ça, c'est un autre question. Pour tourner aux 11 partants, ensuite, on avait plus haut, pour Montréal, évidemment, Dominique Oduro, qui a commencé à droite, Blair Mzimali au milieu, Jean-Yves Balou-Tabla, on revient sur Balou un petit peu plus tard, et Mankosu, je ne sais pas si vous l'avez vu, ouais, j'ai passé proche une fois ou deux, mais Mankosu, encore une fois, n'a pas le compas dans l'œil depuis quelques semaines, quelques mois, depuis 2017, depuis que l'année a changé, dans le fond. Il a passé une certaine révélation pour Montréal en deuxième moitié de saison, ce qui n'est pas le cas. En première moitié de saison cette année. Les blessures et la difficulté à retrouver le rythme après quelques blessures a pu expliquer, je pense, pourquoi il n'y a pas le compas dans l'œil. Puis, toujours un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu trop haut. Mais c'est quand même pas aussi pire que Dominique Oduro. Dominique. Dom. Dominique Oduro a manqué un tir flagrant. Il manquait une opportunité en or, comme on pourrait dire. Il a envoyé à peu près 10 pieds par-dessus la barre. C'est... Je ne veux pas dire que c'est inacceptable. Non, ça arrive. Mais c'est le genre de chance qu'il aurait pu tourner le match. Parce que le match a bien fini. Il a commencé correct. Il aurait pu être vraiment très différent. Ce qui aurait pu vraiment coûter très cher à l'Impact de Montréal au début, c'est la chance d'Acosta dans la boîte. Je veux retourner à ma stat of the day. La statistique du jour, ici, sur la transversale, c'est dans la première demi, le DC United a tiré 10 fois au but à l'intérieur de la boîte. 10. Pas un cadré. Pas un. 12 buts en 18 matchs pour DC United. Quand on se compare... On se console. Et pour l'Impact de Montréal, ils sont comparés, sont consolés, sont plus derniers, avant-derniers. Et encore une fois, quelques matchs en main pour l'Impact de Montréal. Une performance bonne, encourageante, dirigée, traînée sur le dos par Blair Mzimali. Et de loin, le meilleur joueur pour l'Impact de Montréal. Marco Donadel, un rôle un peu obscur, mais Marco Donadel, sur mon fil Twitter, je parlais de Marco Donadel qui avait une performance type Pirlo avec le Juventus, v'là genre 5-6 ans. Au bon endroit, au bon moment pour empêcher la passe, relancer l'attaque, relancer la transition du ballon vers le milieu et ensuite au dernier tiers. L'homme qui est là pour pour pogner le gars avant qu'il arrive à la défense. Et ça a été très important, surtout quand on pense à Chris Duval qui joue un petit peu en dehors de position et a besoin d'un petit peu de moment de transition de s'adapter. Et c'est à ce moment-là que Donadel est extrêmement nécessaire, qu'il peut flotter de gauche à droite en avant de la défense, être capable d'être Bernard Dalot aussi, c'est vraiment son meilleur match de l'année, je dois dire, Bernard Dalot. Un rôle un peu obscur aussi, un petit peu différent pour Bernard Dalot, qui était vraiment de soutenir Donadel et d'être la deuxième ligne de défense. La troisième ligne de défense, mettons, c'est Bernard Dalot. Ce qu'on va dire, Bernard Dalot, c'est la troisième. Deuxième, Donadel, puis ensuite, la last line of defense, la dernière avant que ça coûte cher, c'était les quatre, la défense de Montréal. Mais Bernardello et Donadel ont joué un grand match au milieu pour être capables de bloquer cette vague-là. Mais, encore une fois, la vague n'est jamais vraiment venue parce que c'est DC United, dernier dans l'Est. J'enlève absolument rien à Impact. Ils ont réussi à garder le zéro, le beigne, ou je dirais plus le blanchissage, à cause de gros travail défensif des joueurs comme Assun Kamara. Assun Kamara portait le brassard de capitaine et on va entendre dans quelques minutes à quel point c'est important pour lui, le brassard de capitaine. Ça fait 7 ans qu'il est ici à Montréal. C'est sa maison maintenant, c'est son deuxième chez eux. Et très important aujourd'hui, jour du Canada aussi en passant. Bonne fête à tous les Canadiens et Canadiens qui nous regardent. C'était très important pour de bien performer. Le brasseur de capitaine lui a peut-être donné environ 20 livres de plus de muscles puis environ 2 pouces de plus de grand. Il sentait plus grand, sentait plus fort et on voyait vraiment une différence. Pas nécessairement, mais une implication. Pas qu'il n'est pas là toujours, mais une certaine lucidité puis le travail d'équipe était très important. Il mentionne dans ses commentaires dans quelques minutes. Tu sais, à quel point le travail d'équipe, on regarde des individus, on regarde et on essaie d'isoler une performance individuelle, mais c'est le collectif. Parce que le collectif a réussi à avoir certaines créations de chances de marquer qui sont réplicables, qu'on peut recréer. C'est ce qui est important, le pourcentage, et ensuite avoir plus de buts, en théorie, c'est ce qu'on est supposé faire. Et c'est ce qu'on a vu avec l'Impact de Montréal, c'est ce qu'on a vu avec Blérim Dzemali ce soir, encore une fois, qui a vraiment été le catalyste du dernier tiers. Et je pense que ça devrait être ça son surnom. Blérim, le catalyste Dzemali. Si c'est pas lui qui marque, ben il passe. Puis s'il passe pas, ben c'est parce qu'il marque. Il a été impliqué au-dessus de 60% de tous les buts de l'Impact de Montréal depuis qu'il s'est joint au club. Et ça, je pense que c'est un fait d'arme qui est assez important. C'est pas toujours le joueur qui va toujours marquer spectaculairement. Malheureusement, heureusement, il l'a fait ce soir avec le missile d'environ 25 verges. Top corner, frôler le poteau un peu. Wera, il l'a pas vu. Il a Wera rien. Okay? Il Wera rien. Puis c'est ça qui est arrivé au gardien Wera de DC United. Mais encore une fois, DC United, je pense que ça tombe bien. Le match contre DC United, vous allez dire, il tombe toujours bien. Le DC, c'est le nouveau Fire. DC United, c'est le nouveau Fire de Chicago. Okay? Donc, toujours contre DC, c'est une mauvaise passe. T'as pas beaucoup de victoires dans les dernières semaines. Cette année, c'est pas évident. Les buts viennent pas facilement. Beaucoup de blessés, beaucoup de voyages. Perdu une coupe là, quelques jours à Toronto. Voyage à Montréal n'a pas été facile. Mais Colin, tu joues contre DC United. Bon ben, let's go! Et Blérim, ben, lui, un matin, quand il s'est levé, il était prêt. Je pense qu'il est temps, avant qu'on continue à dire une niaiserie. Allons écouter Mauro Biello, et ensuite suivi de Assun Kamara et de Blérim Dzemali. C'est une équipe amochée. Blérim arrive ici après une longue saison en Italie, puis traîne ton groupe sur ses épaules ce soir. Est-ce que tu es impressionné par son niveau d'énergie et son niveau de jeu en général? Blérim? Oui, je pense que Blérim a bien joué. Je pense que Laurent Simon et Fisher aussi, très bien fait. À la fin, on a compté 2 buts. On était capable de gérer de cette manière. Deuxième demi, on avait des chances. Oui, on a des jambes fatiguées, ça c'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, c'était très humide et à la fin, on a fait le travail qu'on avait besoin de faire. On était bien. Oui, beaucoup de chance, mais pas beaucoup cadré. On était capable d'arrêter et casser beaucoup de leurs attaques. Je pense que nos lignes étaient un peu trop ouvertes, surtout en première demi. Je pense que notre transition défensive devait être un peu mieux, mais on peut comprendre quand tu es fatigué, quand tu n'as pas les jambes, des fois ça devient difficile. Mais à la fin, c'est 3 points qu'on avait besoin et maintenant on avance. Mauro, cette semaine, tu avais mentionné que pour Dominique, l'essentiel c'était de se concentrer sur son travail, de mettre les buts, de donner des chances à ses coéquipiers. Ça n'a pas été évident ce soir, quelques occasions ratées. Est-ce que tu commences à perdre patience par rapport à son apport offensif? Écoute, Dom, il a travaillé. Ça faisait quelques matchs qu'il n'avait pas joué. Et il avait cette chance, surtout la belle passe de Salazar qu'il a manqué. Pour un joueur offensif, ça peut changer vite, ces choses-là. Il faut qu'il continue à travailler fort et se focaliser sur qu'est-ce qu'il peut contrôler. Et la bonne chose, c'est qu'il y avait des chances. Il y avait des chances devant le but. Et la prochaine fois, avec un peu plus de concentration, il va le mettre. Coach, 2-0 victory, clean sheet. How important is this game heading to Houston with another close game? Yeah, I think this is a difficult stretch. We have tired legs. We've been traveling for the last month. Le français revient. For us, it was important to come back home and collect the 3 points. Clean sheet was good, does well for the confidence. We're able to close it off, and now we move on. We move on to Houston. Merci à Mauro Biello. Maintenant, nous allons entendre Hassoun Kamara avec ses commentaires d'après-match dans le vestiaire. Lorsque l'équipe poussait en face, on a su résister et grandir, à travailler collectivement. Et c'est ce qui nous fait défaut un petit peu, je pense. Avoir des individualités, c'est bien, c'est super. Mais à la fin, elles doivent reposer sur le collectif. Et c'est ce que Dzemali a fait, par exemple. Il a pu s'appuyer sur notre volonté de l'aider et l'appuyer. Donc ça a été très bien. On doit continuer dans cette voie-là, faire abstraction un petit peu de ce qui se dit à l'extérieur et nous rester concentrés sur notre travail collectivement. Tu as mérité une partie du salaire d'Aaron, première demi. Peux-tu nous parler de cette séquence-là? Ouais, c'est ça. Je sens qu'on est un petit peu en retard sur un duel ou deux et j'essaie d'anticiper en aidant Evan à arrêter ses buts parce que je sentais qu'on allait un petit peu plier. J'ai pris sa place à un moment, j'ai essayé de l'aider du mieux que j'ai pu, ça a marché aujourd'hui. Donc je suis très content, très, très fier de ça, ça montre l'esprit du groupe en fait. On est vraiment solidaires en ce moment les uns les autres, même dans les moments difficiles, face à Toronto, etc. Il y avait quand même de la solidarité et du travail. Aujourd'hui, ça a juste payé, donc j'espère que ça va continuer dans cette voie. On a l'impression que le bloc défensif a bloqué une centaine de rendez-vous. Oui, c'est ça. Ça relève de l'état d'esprit. Je sais qu'à l'extérieur, on aime bien souligner les individualités et j'ai envie de dire détacher l'équipe en soulignant les individualités. Mais à la fin, c'est pas vrai. Je connais le foot un petit peu, au moins. Et je sais que c'est collectivement qu'on s'en sortira dans tous les domaines. Donc l'esprit est là. Si on a arrêté des buts à l'instar de ce que j'ai fait en première mi-temps, c'est parce qu'il y avait un bon esprit, il y a la volonté de s'aider les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, tout simplement. Merci. Yes. Hassoun, it's Canada Day. You were with the club for 7 years, wearing the armband today. How important was this game today for you? Yeah, I was very proud. I know that I have the confidence of the coach and the club. I'm here to represent this team and this city. So I try to do my best, like I did during 7 years. It's an achievement. I'm very proud. But I want to play much more games, much more years. And I'm very proud to be part of this organization. Merci à Hassoun Kamara. Et maintenant, la cerise sur le sundae. Le crémage sur le cupcake, tu sais, la partie qu'on aime le plus, la partie qu'on ne le dira pas, là, mais que si on pouvait, là, on mangerait juste le top. Mais le crémage sur le gâteau, Blérim Dzemali, le joueur du match, selon moi. Blérim, comment est-ce que tu analyses ton match de ce soir? J'imagine que tu es satisfait. Moi, j'analyse le match de l'équipe. On a gagné, ça c'est important. Ce match était très, très, très important pour nous, pour gagner, parce qu'on était dernier. Maintenant, on n'est pas plus dernier. Moi, je pense que cette équipe, il y a beaucoup, beaucoup de qualités. On doit jouer tous les matchs comme ça. Le deuxième but, tu as vu Duval s'avancer. Hésiter, comment tu as raconté le déroulement du but? Non, j'ai vu Duval quand il m'a donné le ballon qu'il est parti. J'ai vu et après je donne le ballon. Moi, je pense qu'on doit bouger encore un petit peu plus. Et comme on a fait en deuxième mi-temps, on peut faire 3-4 buts. Est-ce que c'est des signes que la cohésion est meilleure, que tu commences à être plus familier avec tes coéquipiers? Oui, mais moi, quand j'arrivais dans le premier jour, j'étais très, très confiant avec toute l'équipe. Je veux seulement qu'on continue comme ça. Depuis que tu es arrivé, ton apport offensif fait vraiment la différence pour l'équipe. Mais on sent encore que tu n'es pas encore à 100% par rapport aux capacités que tu es capable de donner. Est-ce que tu es confiant pour la suite des choses et d'être capable d'en donner encore plus pour l'Impact de Montréal? Oui, moi j'ai confiance pour toute l'équipe, comme je dis en avant. Moi je pense qu'on a une bonne équipe. On a joué des matchs contre Toronto, on peut gagner les coupes. Et on a perdu dans les dernières minutes, ça dire tous, parce que Toronto c'est la meilleure équipe dans cette ligue. Et si on a joué comme ça bien contre Toronto, on doit jouer toujours bien comme ça. Et comme je dis en avant, on a encore beaucoup de faire parce qu'on a seulement commencé. Moi aussi, je seulement commencé deux mois. J'ai encore un match et après un petit peu de vacances que j'ai besoin parce que maintenant j'ai 55 matchs et ça c'est beaucoup. C'est seulement ça. On a vu beaucoup parler à Valou, essayer de positionner, d'orienter sur le terrain. À quel point c'est important pour toi avec ton expérience d'aider un jeune comme lui? Non, on est tous de qualité en avant. Et on doit prendre bien l'espace parce qu'on ne peut pas être tous ensemble. Mais Valou, il est un bon joueur, il est un grand joueur. Il doit seulement, pour moi, il doit seulement travailler encore, travailler tous les jours et il peut être encore plus fort. Tu parles des vacances qui s'en viennent, ton niveau d'énergie. Niveau d'énergie, se situe environ? Oui, mais bien sûr, moi je pense que, comme on dit en avant, je vais faire encore plus parce que je peux faire encore plus pour cette équipe. Et comme tous les joueurs, on doit faire plus parce que moi je ne suis pas satisfait avec cette année. Tous les joueurs, je pense qu'on ne doit pas être satisfait. Merci à Mauro Biello, entraîneur de l'Impact de Montréal. Assun Camara, défenseur et capitaine pour la soirée de l'Impact de Montréal et le joueur du match. The man of the day, the man of the match for l'Impact de Montréal, pour l'Impact. Et c'est Blérim Dimali. Alors merci à nos invités ce soir pour leurs commentaires d'après-match. Prochain match pour l'Impact de Montréal, mercredi à Houston. L'équipe quitte lundi pour se diriger vers le Texas. Ça sera pas froid, mettons. Il va faire encore chaud. C'était humide ce soir, mais c'est probablement rien comparé à la torride chaleur de Houston. C'est pas facile aller au BBVA Compass Stadium. Non, c'est pas parce qu'on trouve pas notre chemin. C'est bien le Compass Stadium. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est toujours de bien performé sous la chaleur contre une équipe avec Alex et Kubo Torres et compagnie. Kubo Torres, un des joueurs que je trouve que cette année qui est un petit peu underrated, un petit peu sous-apprécié de la Ligue au complet, est en train de rétablir sa crédibilité après l'avoir perdu les quelques dernières années et Chivas et tout le drame qui s'est ensuit avec le dissolument de Chivas en contrôle Houston. Ensuite des prêts, finalement, il revient avec Houston et est prêt à performer en 2017. Je pense que c'est quand même intéressant. Matt Jordan aussi, ancien directeur technique et ancien gardien de l'Impact de Montréal, qui est maintenant à Houston en tant que directeur technique. Donc, du succès pour Matt Jordan présentement, en espérant que mercredi prochain, il n'y a pas trop de succès contre l'Impact de Montréal. C'est le prochain rendez-vous auquel je pourrais vous convier. Mais si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez m'écouter en anglais quasiment tous les jours, du lundi au vendredi, à environ 10h. Souvent, c'est 10h, 10h02, 10h03. Mais 10h le matin, du lundi au vendredi, Soccer Today, moi et Dwayne Rollins à Toronto, qui couvre le Toronto FC, on parle du soccer en Amérique du Nord, la MLS, la NASL, le USL. On parle aussi, évidemment, la Ligue des champions, les gros tournois qui sont à venir débuter, avec la Gold Cup dans quelques semaines. Et je vais essayer de faire plus souvent des petites vidéos et des petites émissions en français. Je pense que c'est une expérience qui, je pourrais en profiter. Je parlerais peut-être mieux mon français si je parlais plus souvent avec un micro en français. Donc, je pense que c'est une expérience que je vais répéter. Donc, suivez mon Facebook @KevLaramie, Twitter @commercial KevLaramie, et vous pouvez écouter toutes les émissions qu'on a sur le réseau, majoritairement en anglais, oui, mais on va essayer de faire plus sur la transversale à Sports podcastingnetwork.com. Sports. Sportspodcastingnetwork.com. Merci d'écouter. Surprenant le nombre de personnes qui sont écoutées ce soir. Et jusqu'à la prochaine fois, je suis Kevin Laramé et je vous souhaite un bon soccer.